is on. Tension maximal. The drop arrive. Ride is here. Monte en live, pas de répétition. Un seul bouton, j'fous l'explosion. Mon groove est brutal, ma voix percute. Et si tu lag, frère, c'est que j't'ai mis en chute. Les viewers s'alignent comme des beats en guerre. Ma team me suit même dans l'enfer. Raid de skill monte, t'as vu le score. Chaque stream est une rave hardcore. Drop the stream, light it up. Bass go boom, no back it up. Ride a skill, full power up. We don't chill, we blow shit up. Drop the stream, light it up. Bass go boom, no back it up. Ride a skill, full power up. We don't chill, we blow shit up. J'suis pas là pour play safe ou fed. J'veux que ça tape, j'veux que tu raides. Mon beat traverse tes écouteurs et mes modes dansent comme des poseurs. Twitch me craint, les streamers me matent. Mais mes subs crient quand j'sors le bat. Ride a skill live dans les enceintes. C'est l'apocalypse, version teintée. Drop the stream, light it up. Wave go wild, crowd jumping up. Ride a skill, don't give a fuck. He breaks the net, overloads the club. Twitch m'écrit, les streamers me matent. Mais mes subs crient quand je chante back. Ride a skill live dans les enceintes. C'est l'apocalypse, version teintée. C'était pas un live, c'était un missile.